Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture. Au micro, Tamara, mais je commencerai par vous présenter des comptes rendus de Micheline. Le premier, c'est l'ouvrage publié sous la direction de Stéphane Griga, Postnazismus Revisited, aux éditions Saïra. C'est un livre allemand, publié donc par les éditions Saïra, édition qui se montre particulièrement sensible aux résurgences d'antisémitisme dans le monde germanophone. Et le livre constitue une nouvelle édition, remise à jour, d'un ensemble d'études pointues qui vise à illustrer la survie de l'héritage nazi au XXIe siècle. Héritage nazi dont on trouve des traces dans mille et une facettes de la vie politique allemande et culturelle, aussi bien en Allemagne qu'en Autriche, notamment dans les prises de position exaltées pro-palestiniennes sans nuance, ou dans la démonisation d'Israël dont n'a à souffrir aucun autre pays au monde. Deux exemples suffiront à illustrer le propos. Le premier, lorsque Günter Grass dénonce les 6 millions de victimes allemandes, dit-il, victimes de l'exode forcé des Allemands d'Europe de l'Est en 1945, c'est un chiffre totalement imaginaire, l'ancien SS et lauréat du prix Nobel s'approprie sans scrupule la Shoah au nom des exterminateurs. Autre exemple, en Autriche, l'antisémitisme imprègne à ce point les esprits d'un peuple qui se proclame première victime d'un régime nazi, alors que la population avait accueilli avec ferveur un Wadem, co-responsable de la Shoah en Grèce, qui était devenu une sorte de héros national, tout comme le néo-nazi George Haider, qui s'est vu encensé après son décès par tous les partis politiques, de gauche comme de droite. Donc un ouvrage publié sous la direction de Stéphane Grija aux éditions Saïra. Autre compte-rendu de Micheline, un ouvrage de Georges Bensoussan, Juif en pays arabe, le grand déracinement, 1850-1975, chez Talandier. On connaissait Georges Bensoussan, qui dirige avec brio la revue Histoire de la Shoah, comme historien du génocide, comme historien du sionisme. Et en publiant ce dernier ouvrage, il nous révèle une autre facette de sa personnalité et s'impose d'emblée comme le plus éminent des analystes du déracinement qui a mené à l'exode de plus de 99% des juifs originaires du monde arabe. Dans ce vaste ouvrage de plus de 1000 pages, l'auteur qui s'est livré à une étude exhaustive des archives de l'Alliance israélite universelle et du mouvement sioniste à Jérusalem, ainsi qu'à celle des services diplomatiques français, a choisi de se concentrer plus particulièrement sur le sort des juifs dans quatre pays en particulier. Le Maroc, dont il est lui-même originaire, la Libye, l'Égypte et le Yémen. Par-delà les spécificités particulières à chacun de ces pays, la toile de fond est la même, à la merci de son Seigneur, auquel il est lié, pour le meilleur et pour le pire, dans l'univers musulman, car l'islam est, comme son nom l'indique, une religion de soumission, le juif est soumis depuis toujours au même rituel d'humiliation, subissant une condition marquée depuis des siècles par l'oppression et l'humiliation, lesquelles sont vécues en tant que résultat de l'exil, exil lui-même ressenti comme fruit de la déchéance morale. C'est que dans le Maroc des années 1890, encore, nous rappelle l'auteur, les Juifs sont vendus comme esclaves. La pénétration occidentale qui a offert aux juifs du monde islamique la possibilité, sinon d'accéder au statut de citoyens égaux en droit, ce qui ne s'est révélé possible qu'aux juifs d'Algérie, qui ont pu bénéficier grâce au décret Crémieux à la nationalité française, du moins de se soustraire dans une mesure variable, selon les régions, au régime infamant du dhimmi, contraint de se soumettre sans protestation à toutes les avanies et de subir silencieusement, quand bien même il s'agirait d'un noble vieillard moqué, injurié, maltraité par des enfants, toutes les marques de l'avilissement. Au Maroc en particulier, le pouvoir colonial estimait, depuis Lyoté, devoir consentir à la perpétuation de l'humiliation des Juifs afin de maintenir l'autorité du sultan. Aspirant au statut d'égalité civique que leur reconnaît la civilisation occidentale, mais pas la culture islamique, les Juifs du monde arabe se retrouvent donc déchirés entre deux mondes et deux communautés, celle des Européens et celle de leur région. Brisure qu'a su admirablement décrire Albert Memmi, que l'auteur cite abondamment. D'où une tension, sous-jacente qui caractérise en permanence les relations entre les deux communautés. La peur et le mépris, nous les avons connus depuis l'éveil de notre conscience, rappelle Mémy. Les Juifs acculés à l'Occident étant perçus et vécus comme des infidèles, dans tous les sens du terme. En osant montrer les traits masculins, le Juif, qualifié au Maghreb de Kif El Mra comme une femme, bouscule le code de l'honneur et l'ordre traditionnel qui régit les rapports entre maître et serviteur. Le Juif qui relève la tête et aspire à se comporter en égal est perçu comme insolent et accusé de faire preuve d'arrogance. Le conflit palestinien, dont le retentissement au sein de l'ère culturelle du monde arabe est considérable dans les années 20, ne fait qu'accentuer et raviver ces tensions. Car au-delà du conflit territorial, le sionisme traduit l'aspiration des Juifs à la dignité. Ce qui précisément paraît inacceptable. À Jérusalem comme à Bagdad, les foules scandent le mot d'ordre « Falastine », je vais très mal le lire, « Biladna wal Yahoud Kalabna », la Palestine est notre pays et les Juifs sont nos chiens. Et à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde arabo-musulman, intoxiqué des années durant par la propagande nazie diffusée par Berlin, relayé par son acolyte le Mufti et appuyé par de nombreux dirigeants nationalistes arabes, plonge dans une judéophobie aveugle, par identification avec la cause palestinienne, qui va cristalliser le ressentiment et devenir le réceptacle des tensions et des frustrations accumulées. Que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie ou en Égypte, pogroms et massacres de juifs se succèdent. Aussi, dans ce climat sanglant, le nettoyage ethnique consistant à épurer le Machrek et le Maghreb de sa composante juive n'était plus qu'une question de temps. Elle s'opérera par la violence, les persécutions, les pressions qui réussissent à vider en une vingtaine d'années ces régions de leur population juive. Illustration flagrante de l'archaïsme du monde arabe que l'on voudrait nier subtilement en le qualifiant de tradition culturelle spécifique. C'est donc l'ouvrage très riche de Georges Bensoussan, Juif en pays arabe, le grand déracinement 1850-1975 chez Talendier. Alors pour ma part, je voulais vous présenter deux textes de Louise Erdrich publiés chez Albin Michel. Le premier, c'est un roman, Le jeu des ombres. Alors, Le jeu des ombres, c'est un roman bouleversant et brillant qui parle d'un couple en décomposition. Irène n'a cessé d'aimer Gilles, quand elle a mieux compris qui il était, mais Gilles, lui, ne comprend pas. Et je vous lis un premier extrait. Il doit être très difficile pour Gilles de comprendre pourquoi je ne peux pas tout bonnement revenir en arrière sur le plan affectif et retomber amoureuse, comme ses parents-là. Pourquoi suis-je incapable de revenir aux sentiments que j'éprouvais au début ? Tocade, soudaine attirance, sont en partie une fièvre superficielle, un manque de connaissance. Tomber amoureux, c'est aussi tomber dans l'état de connaissance. L'amour durable survient quand nous aimons la majeure partie de ce que nous apprenons sur l'autre, et nous sommes capables de tolérer les défauts qu'il ne peut changer. J'ai cessé brusquement d'aimer Gilles avant la naissance de Stoney. Ce jour-là, il a fait quelque chose d'intolérable. Je me demande s'il s'en souvient. Il ne se rend probablement pas compte qu'un acte aussi banal, un acte qu'il accomplit chaque jour, allait soudain tout révéler de lui. Irène prépare un doctorat qu'elle ne finira d'ailleurs jamais, parce que c'est une personne trop dispersée, accaparée par la maison, par les enfants, trop peu systématique et trop peu tenace aussi. Et puis Irène a tendance à boire pour oublier cette médiocrité. Gilles peint sa femme, dans des poses parfois douteuses d'ailleurs, une peinture qui les lie de manière trouble, car Gilles peint ses meilleures œuvres quand le couple va mal, ce qui provoque un intérêt chez lui pour les situations de conflit. Et sur le plan familial, Gilles souffre d'une certaine mise à l'écart. Je vous lis un second extrait. Gilles nourrissait pour sa famille une sorte d'attachement désespéré, car il savait que sur un plan fondamental, tous se dérobaient à lui. Leurs sourires câlins, leurs compliments, leurs rires forcés, parfois il les croyait sincères, parfois il savait qu'ils avaient peur de lui. Il leur avait à tous fait du mal, mais pas vraiment de façon durable. Il avait porté la main sur chacun d'eux, sans pourtant jamais laisser de marque physique. Ce n'était pas rien. Il était taciturne, déprimé, sarcastique, charmant. Il souriait quand Irène s'attendait à ce qu'il hurle, devenait affectueux en un éclair. Il n'avait pas toujours été tellement en colère. En vérité, il avait besoin de toute l'attention d'Irène. Il l'avait eue. avant l'arrivée des enfants. Ceux-ci la lui avaient prise et il avait été jaloux dès le début. Quand Irène demande la séparation, Gilles menace, Gilles refuse. Et là encore, je vous lis un petit extrait. « Non, impossible. Cette idée ne me plaît pas. Je suis navrée. Si tu essayes de me quitter, alors les enfants resteront avec moi. Nous en avons déjà discuté, toi et moi. Nous ne sommes pas en terrain inconnu, Irène. Je prendrai les enfants et tu sais que je peux le faire. J'ai noté tes problèmes au jour le jour, Irène. Crois-tu qu'un juge confiera les enfants à une femme dépressive et dysfonctionnelle qui boit trop et qui n'est pas en mesure de subvenir à leurs besoins? Tu n'es pas capable de travailler. Tu n'es pas capable de passer ton diplôme. Tu te bats avec ce truc sur lequel tu bosses en ce moment. T'as combien de pages? 6. J'aurai la garde physique exclusive des enfants. Ils seront avec moi, Irène. » Il parlait d'un ton catégorique, teinté d'une gentillesse morne et glaçante. « Tu sais à quel point je les aime. » Commence alors une grande entreprise de séduction du père vis-à-vis de ses enfants. En même temps, il espionne sa femme, la suit, lit son journal. Dans un tel contexte, la tension ne peut évidemment que s'agrafer, une atmosphère malsaine, destructrice, mais aussi tout à fait délirante. Et je vous lis le dernier extrait. Il pouvait bien se haïr, du moins Irène pouvait bien haïr Gilles, alors que celui-ci ne soupçonnait pas à quel point il haïssait Irène tant il était obsédé par son désir de la reconquérir. Il la détestait vraiment. C'était un élément de mur immatériel. Il ne pouvait ni voir ni ressentir cette haine, mais elle était bien là. Son idée farfelue concernant cette brèche dans le mur était en partie liée au fait de passer de l'autre côté de sa propre haine dont il ignorait l'existence. Donc, Gilles avait un mur, Irène avait un mur. Entre les deux murs existait une zone neutre, intacte, une étendue sauvage où se trouvait tout ce qu'il ne savait pas et ne pouvait imaginer sur l'autre. Gilles avait une vision claire de cet espace qui les séparait. Il y voyait un paradis intact, semblable à la zone démilitarisée entre les deux Corées. Ce texte raconte donc cette escalade dans la tension, dans la peur, dans la violence. Le climat est terrible, angoissant. La souffrance des personnages palpable, l'issue possible. Ils sont si fragiles qu'on doute qu'ils réussissent à s'en sortir. Et la chute est effectivement dramatique, alors qu'il s'en fallait de si peu. Les enfants sont entraînés par cette destruction. Ils vont mal. Ils se posent des questions, projettent des réponses. Les dernières pages du texte donnent la parole à Ril, la fille du couple, des années plus tard. Malgré les thérapies, elle en veut terriblement à sa mère, justement. À sa mère, pour n'avoir pas su lâcher prise. Une colère ambivalente, là encore, parce qu'elle a servi de matériau à son œuvre littéraire, comme ça avait été le cas pour le père des années plus tôt, ce qui la rapproche de lui, d'ailleurs. Son père qui peignait si bien quand le couple allait si mal. Et qui la rapproche aussi de sa mère, puisqu'elle s'est servie de son journal pour écrire son texte. C'est donc un texte remarquable, d'une grande intensité, d'une remarquable finesse psychologique. Un texte qui, il faut le dire, est en partie inspiré du vécu de l'auteur. Donc Louise Erdrich, Le jeu des ombres, un roman publié chez Albin Michel. Et en même temps, aux éditions Albin Michel, paraissait un recueil de nouvelles du même auteur qui s'appelle La décapotable rouge. Alors c'est un recueil qui rassemble de très nombreuses nouvelles écrites par l'auteur entre 1978 et 2008. Donc on a 30 ans de textes. Certains textes très forts, même si je dois dire que je suis beaucoup plus sensible à la progression dramatique de l'auteur dans un roman dans lequel elle développe des thèmes et cerne des personnages avec évidemment beaucoup plus de profondeur. D'une nouvelle à l'autre, on va retrouver certains personnages, en particulier ceux d'un autre roman de Louise Erdrich, tout à fait remarquable lui aussi, « La chorale des maîtres bouchers ». C'est un texte, là encore, inspiré librement par la vie de ses ancêtres, en particulier la vie de son grand-père, jeune boucher venu d'Allemagne et venu s'installer aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Donc deux textes à découvrir, en particulier le roman de Louise Erdrich, Le jeu des ombres, chez Albin Michel. Et puis, pour en revenir à la jeunesse, des œuvres que je voulais absolument présenter de Shaun Tan. Alors Shaun Tan est un artiste né en 1974. Il a grandi en Australie. Aujourd'hui, il vit à Melbourne. Il a toujours été le dessinateur. Il a beaucoup écrit. Il écrit beaucoup d'histoires de science-fiction. C'est un auteur qui touche à de nombreuses techniques. Il a écrit des albums, il a fait de la bande dessinée. Son talent a été récompensé à de nombreuses reprises. Par exemple, sa bande dessinée « Là où vont nos pères » a remporté le prix du meilleur album à Angoulême en 2008. Son album « Conte de la banlieue lointaine » publié chez Gallimard, qui est une petite merveille, a aussi obtenu le prix Cristal au Festival d'Annecy. Son court-métrage, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qui s'appelle « La chose perdue », a obtenu un Oscar en 2011 et il a reçu également en 2011 le prix Astrid Lindgren, prestigieux prix pour l'ensemble de son œuvre. Alors, le texte dont il est question aujourd'hui, en fait, je voudrais vous présenter deux livres. Le premier, c'est « L'oiseau roi et autres dessins » publié chez Gallimard. C'est un recueil de dessins, d'esquisses et de croquis, dans lesquels on va retrouver les thèmes chers à l'auteur, des créatures et des mondes imaginaires, mais aussi des croquis pris sur le vif. Et comme le dit l'auteur, on y retrouve aussi la spontanéité, la beauté du travail sur le moment, travail ou spontanéité qui est perdue dans un produit fini destiné à la publication. Et comme il le dit aussi, certains de ses dessins ont échappé de très peu à la corbeille. Le deuxième ouvrage de l'auteur que je voulais vous présenter est très particulier, La chose perdue, puisqu'il s'agit d'un album, mais dans l'album, vous trouverez aussi un film d'animation d'une quinzaine de minutes. Celui-là, dont je vous disais qu'il a été couronné par plusieurs prix, le prix du Festival d'Annecy pour le court-métrage et un Oscar donc en 2011. C'est l'histoire d'un garçon. Un garçon qui trouve une chose perdue et s'en occupe, tente de lui trouver une place. C'est une histoire pleine de poésie qui raconte la nostalgie de l'enfance, la nostalgie de cet émerveillement, de cette disponibilité, de la générosité des intéressés et de la capacité de regarder autour de soi, que souvent on perd en grandissant. C'est une œuvre tout à fait extraordinaire, tant pour le récit que pour la forme. Je pense que c'est vraiment un tout petit film, ça dure 15 minutes, qu'il faut absolument voir si vous aimez la poésie. Alors, il dit lui-même que c'est un conte universel qui évoque la difficulté de rester curieux, ouvert à tout et d'une certaine manière innocent lorsqu'on grandit et qu'on se préoccupe de choses plus importantes. Ça vous rappellera bien sûr le début du Petit Prince, ainsi que la nature de la solitude et de l'amitié inconditionnelle. Voilà, donc un jeune auteur à suivre absolument, Sean Tan, c'est un nom donc à retenir, et si vous avez l'occasion de voir ou de lire La chose perdue, c'est chez Gallimard et ça s'adresse à des lecteurs de 10 ans et beaucoup plus, parce que les adultes aussi y seront très sensibles. Pour nos plus âgés maintenant, chez Nathan de Mike et Lancaster, au point 4, dans la collection Blast, alors c'est un texte de science-fiction qui est bien conçu, dans lequel 4 personnes se retrouvent totalement isolées, exclus, différents des autres dans un village, et ils essayent de comprendre en quoi les gens ont changé, sont devenus si paisibles, si efficaces, mais aussi si indifférents, au point qu'ils ne semblent même plus les remarquer. Leurs suppositions s'affrontent, plus extravagantes les unes que les autres. Une phrase leur a appris qu'ils sont les 0.4. 4 pour 1000, un nom de code pour traiter ceux qui n'ont pas été touchés par une invasion extraterrestre, le nom d'une mise à jour de l'humanité, par recoupement et en discutant avec les rares êtres rencontrés par la suite qui ont, comme eux, échappé à cette transformation, ils arrivent petit à petit à récapituler les faits qui sont terribles. Donc 0.4 chez Nathan dans la collection Blast pour des ados de 12 et plus. À l'école des loisirs, toujours pour les 12 et plus, de Gilles Benaïch, le livre d'étoiles publié dans la collection Medium, qui fait suite au texte que j'avais présenté, Le voyage de Mémé, aussi à l'école des loisirs, et qui raconte le départ de la grand-mère de l'auteur d'Algérie pour rejoindre la France, le voyage de son exil, et on retrouve un langage truculent, c'est vraiment la transposition à l'écrit d'un récit oral et très chaleureux. Donc le livre d'étoiles chez Medium à l'école des loisirs, toujours pour les 12 et plus de Victor Hugo, La légende d'un siècle, publié chez Flammarion Jeunesse, parcours de la vie de l'auteur à travers des repères biographiques, qui sont émaillées d'extraits de textes clés, de lettres ou de poèmes. Des recueils, deux recueils de contes chez Nathan. Le premier de Yves Pingili, Contes et légendes d'Afrique d'Ouest en Est, pour les 10 et plus. Et un autre chez Nathan, aussi pour la même tranche d'âge, les 10 et plus, Fées et princesses. Et cette fois, ils sont rédigés par Gudule, qui a, il faut quand même le souligner, une aisance au niveau de l'écriture. Alors, toujours chez Nathan, pour les 11 et plus cette fois, cette série de Midnight Library, cette fois-ci, ça s'appelle Œil pourrant, toujours de Nick Shadow, et toujours des textes menés avec autant de suspense et dans ce climat d'angoisse, Nick Shadow entraîne son lecteur dans trois histoires sombres et douloureuses, comme celle qui a donné son titre au recueil et dans laquelle un jeune garçon aveugle reçoit une greffe de cornée qui lui impose, avec violence, la vision des derniers instants du donneur, un malfrat assassiné peu avant son accident. Non seulement il souffre comme s'il recevait lui-même les coups, mais il découvre que le chef de gang qui a commandé l'assassinat n'est autre que son père. Donc on est vraiment dans le registre du suspense et c'est certainement pas pour les lecteurs trop sensibles. Donc de Midnight Library, Œil pour œil chez Nathan. Au seuil jeunesse pour les 10 et plus de Liz Pinch, Tom Gates, C'est moi. Alors c'est un livre qui tient à la fois du roman et du journal. Tom Gates nous fait partager sa vie quotidienne, des anecdotes, des devoirs pour l'école. Il émaille son texte de commentaires et de dessins. C'est très amusant et c'est très facile à lire. C'est un livre qui peut aider les jeunes lecteurs qui ont encore du mal à lire un texte suivi sans illustration. Donc Tom Gates, C'est moi, chez Seuil Jeunesse pour les 10 et plus. Et puis toujours pour la catégorie des 10 ans, L'affaire Matisse, dans la collection Neuf à l'école des loisirs de Georgia Brack. Alors Matisse, c'est un petit garçon qui passe son temps libre à recopier les toiles des musées. Avec le nom qu'il porte, évidemment, il porte lui-même, il projette tous les espoirs de ses parents. Sa mère espère en faire un grand peintre. Elle a déjà essayé avec sa grande sœur, qu'elle avait appelée Frida. Et elle s'est dit que si avec Matisse ça ne marcherait pas, et bien il y avait encore une chance avec le petit frère Man Ray. Matisse copie d'ailleurs très bien. Mais parfois, il aimerait bien aller jouer avec les autres. Et parfois aussi, sa famille l'étouffe et l'encombre. Ce qui va faire changer les choses, c'est qu'un jour, Matisse profite d'un temps mort et d'une défection du système de sécurité pour remplacer un original de Matisse par sa copie. Juste comme ça, pour voir. Et puis, il se retrouve coincé avec une toile inestimable entre les mains parce que le circuit s'est remis en route trop tôt et qu'il ne sait pas comment avouer sa bêtise. Et puis c'est un texte qui tient effectivement du texte à suspense, mais qui porte aussi toute une réflexion sur le poids des attentes des parents dans la vie des enfants. Donc l'affaire Matisse, Neuf à l'école des loisirs pour les 10 et plus. Pour les 12 et plus de Ava Kavian, La dernière licorne chez Mijad. Alors là c'est un texte qui a paru déjà il y a un certain temps et qui raconte comment Anna, suite à un accident, Anna, la grande sœur de Paula, se retrouve aphasique. Et depuis, tout tourne autour d'Anna. Et Paula se sent la mal-aimée, la coupable, l'insignifiante, l'imparfaite. Pour protéger sa sœur, qui vivrait très mal une séparation de la maison, elle se fait passer pour Anna pendant un séjour d'observation en hôpital psychiatrique. Ça va l'obliger à regarder le monde avec les yeux d'Anna. Et ce changement de regard va transformer non seulement sa manière d'être avec les autres, mais son rapport à elle-même. Paula va redevenir différente, grandie, mûrie, revenir débarrassée de son amertume, réconciliée avec elle-même et avec les siens. C'est un texte extrêmement optimiste sur l'adolescence, sur la fratrie qui évoque la culpabilité et la différence. Donc La dernière licorne de Ava Kavian chez Mijad. Et puis pour nos adolescents toujours, et je terminerai avec celui-là, de Gemma Mallet, Sentiment 26, publié chez Lafond pour les 12 et plus. Donc, alors j'avoue que j'étais un petit peu déçue parce que la trilogie de Gemma Mallet, La Déclaration, m'avait passionnée. On retrouve ici l'univers futuriste régi par d'autres lois, un univers qui rappelle un peu celui de Brave New World de Huxley ou plus récemment du Passeur ou de Promise. Si je parle de déception, c'est parce que le texte ressemble peut-être trop à ce qui a déjà été écrit. sur ces sociétés découpées en groupes, en castes, selon les aptitudes ou le mérite, où l'on promet une existence sereine et confortable à tous, à condition de travailler dur et de se conformer aux principes de la communauté. Une société qui offre l'apparence de l'équilibre idéal, mais qui n'en est qu'une illusion, basée sur le mensonge. Evie a 16 ans, elle est promise à Lucas. Lucas est un citoyen modèle, respectueux des codes, travailleur, délateur, au point qu'il a dénoncé son propre père. Lucas a un frère aussi, Rafi, qui se présente comme son contraire. À la blondeur du premier répond la noirceur de l'autre, son tempérament d'insoumis et d'impulsif. Et depuis toujours, Evie et Rafi s'aiment. Un caractère comme celui de Rafi ne peut s'accommoder évidemment des contraintes de ce système. Et donc personne n'est surpris d'apprendre son déclassement et son exclusion. Evie choisit de le suivre sans savoir ce qui les attend, si ce n'est la perte de la protection du système dans le monde extérieur, dangereux et hostile. Alors on s'en doute, l'extérieur est anarchique, mais aussi plus humain. Lucas n'est pas le monstre qu'il semble être, mais un homme qui a choisi de se sacrifier pour aider ceux qu'il aime. Voilà, donc Sentiment 26 de Gemma Mallet chez Michel Lafon. Là-dessus, on va se quitter. Shalom à tous et un grand merci à Sébastien à la technique.